Georges Courteline dans La vie de caserne, exempt de cravate. Ce jour-là, un dimanche délicieux de juillet, la grappe, que le médecin-major avait exemptée de cravate à cause d'un furoncle à la nuque, se présenta au corps de garde, sitôt sa gamelle avalée. La main gauche dans le rang et tenant le sabre, la droite ramenée en coquille sur la visière cerclée de cuivre du shako, son cou de buffle tourné au rouge cramoisi pour avoir été frotté de sable, rincé ensuite à l'eau de puits, puis tamponné à tour de bras, émergeant nu du col rouge aussi du dolman. « Permission de sortir, » dit-il. Le maréchal des logis de garde chevauchait une chaise dépaillée. Il lui jeta de biais un coup d'œil et froidement répondit « Demi-tour, demi-tour !» Le soldat en demeura baba, étant coté à l'escadron pour son souci de la propreté, le bel entretien de ses armes. Il brillait d'ailleurs comme un astre. Les basanes telles que des glaces et constellées du col au ventre d'un triple rang de grelots astiqués, pareils à de minuscules soleils. « Demi-tour !» Soudain, il comprit. « Si c'est à cause de la cravate, fit-il, je suis exempt de cravate, maréchal des logis. C'est le major qui m'a exempté à ce matin pour la chose que j'ai mal au cou. Demi-tour !» répéta le sous-officier qui fumait une cigarette, les bras au dossier de la chaise. Mais la grappe, fort de son bon droit, insistant, expliquant que ce n'était pas une blague, à preuve qu'on pouvait consulter le cahier de l'infirmerie. « Eh, je me moque bien, déclara-t-il, du cahier de l'infirmerie. On me sort pas en ville sans cravate, voilà tout. Si vous tenez à sortir, allez vous mettre en tenue. Sinon, rentrez et restez à la chambre. Est-ce que ça me regarde, moi, si vous êtes exempt de cravate ?» Il parlait sans emportement, avec la hauteur méprisante d'une catin pour un boueux. Un léger haussement d'épaule marqua la fin de sa période, et l'autre, qu'interdisait cette face aux yeux clignotants, suante de dédain et d'insolence, distinguée à travers des paquets de fumée, sentit l'inanité d'une discussion plus longue. Il dit « C'est bon !» fut mettre en deux temps sa cravate, et, irréprochable cette fois, décrocha son droit à sortir. Or, il n'avait pas fait 100 pas qu'au coin de la rue Chanoinesse et du boulevard Chardonneret, il butait du nez dans le médecin. Mandé par estafette au quartier des chasseurs, où agonisait un trompette qu'une jument venait de scalper d'un coup de pied, cet homme pressé portait la vie du même pas tranquille qu'il eût porté la mort. À la vue de la grappe, il fit halte, et abaissant sur lui un regard tout noir de soupçon, « Et là, l'homme, je ne me trompe pas, c'est bien toi qui es un furoncle, et que j'ai exempté de cravate à la visite de ce matin. « Oui, monsieur le major, » dit la grappe. Le médecin eut un bond sur place et jura « Sacré nom de Dieu !» C'était un homme formidable, au point d'athlète semé de poils roux, d'une incapacité notoire dont il avait l'âpre conscience. Il la rachetait par un absolutisme outré de brute entêté et despote, rendant des arrêts sans appel et imposant à ses malades le culte de ses ordonnances. La cravate de l'homme au furoncle cingla ainsi que d'un soufflet sa susceptibilité chatouilleuse de cancre. Et une chose qui le mit hors de lui tout à fait fut l'intervention, révélée par la grappe, du maréchal des logis de garde. Il pensa étrangler, du coup, ironique et exaspéré, « Le maréchal des logis de garde, brailla-t-il, le maréchal des logis de garde, et foutre Qui est-ce ici qui donne des ordres aux malades? Est-ce moi ou le maréchal des logis de garde? Tu seras satisfait peut-être le jour où tu auras rattrapé un anthrax? Et c'est au maréchal des logis de garde que tu iras demander de te poser des compresses? Bougre de rossignol à gland, rhinocéros à boudin, buse! Et tout à coup, veux-tu bien enlever ça, nom de Dieu, veux-tu enlever ça tout de suite? La grappe sortit de cette entrevue dans l'état d'ahurissement d'un homme qu'une main malfaisante aurait poussé, tout habillé, sous une douche. À la fin, tout de même, il se remit, et la cravate dans la poche, il se rendit à la musique. Là, autour du tout bar le comte, papotant et endimanché, qui coquetait sur la soie tendue des ombrelles, c'était le cordon multicolore des pauvres soldats sans le sou, des chasseurs et des cuirassiers venus pour tuer leur dimanche, voir membrer la section hors rang, décupler la saveur de leur indépendance du spectacle réjouissant de la servitude des autres. Des brouillards, experts comme pas un dans le bel art de jouer de l'épaule et de s'ouvrir la route à petite poussée lente, le bon la grappe eut au fait de se faufiler au premier rang. Justement, on jouait la marche du prophète, en sorte qu'il s'égayait fort, marquant la mesure du bout de sa botte, et faisant des parties de trombone à bouche close. Une voix qui le héla dans le dos, « Pchit, chasseur !» le fit retourner d'une seule pièce, et il resta pétrifié, sa belle humeur rasée comme avec une faux, à reconnaître le colonel qui fumait un cigare énorme dans un petit cercle d'officiers. Le colonel dit « Regardez-moi donc, je vous prie. Par Dieu, oui, c'est bien ce qu'il me semblait. Vous n'avez pas votre cravate ?» Depuis bientôt 25 mois qu'il comptait à l'escadron, la grappe, pour la première fois, allait parler au colonel. Et cet immense événement lui coupait net bras et jambes. Il fut sans un souffle, le pauvre. Simplement, il hocha la tête de haut en bas, en même temps, précipitamment. Il tira de sa poche sa cravate. Ce rien déchaîna une trombe. Ne doutant plus que le soldat eût voulu faire l'imbécile, s'aérer le cou à cause de la grande chaleur, le colonel avait tourné au vert, et c'était à lui maintenant de brailler et de nom de dieuser à gueule que veux-tu, s'abattant des claques sur les cuisses, prenant ses officiers consternés à témoin et demandant où on allait, si dans les garnisons de l'Est, les soldats se mettaient à sortir sans cravate. Il conclut « Remettez votre cravate !» La grappe éperdu, obéit. Demi-tour ! La grappe exécuta le mouvement, montrant maintenant à l'officier son dos, couleur de beau temps, où s'élançaient des sous-taches noires en fusée. Rompez ! Rentrez au quartier de ce pas. Vous vous ferez porter pour 15 jours de salle de palice à la pancarte des consignés. Grand trois. La grappe rentra à la caserne, juste comme le médecin-major, ayant achevé son trompette, en sortait. Celui-ci eut un mot, un seul. Encore ? C'en était trop aussi. Le sang le congestionna. Alors c'est un parti pris, nom de Dieu. Celle-là est forte. Tu auras 15 jours de salle de police. Pour t'apprendre à te foutre de moi. Et puis reviens-y à la visite. La grappe voulut se justifier, évoquer la grande ombre du colonel, mais celui fut peau de balle pour placer une syllabe, buté « Oh, veux-tu me foutre la paix du docteur ?» Sous la voûte aux échos sonores de la caserne, les éclats de voix de ce dernier tonnaient comme des coups de canon. Il dut y renoncer. Le soir même, il descendit au Lazzaro. Et quand il eut tiré 15 jours pour avoir enlevé sa cravate, il en tira 15 autres pour l'avoir conservée. Georges Courteline.